إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette étude de l'explication de 6 passages de la biographie prophétique. Nous en sommes arrivés au 4e passage parmi ces 6 passages qu'a choisi le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah, à travers lesquels il veut montrer les différents aspects du tawhid dans le prêche et dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-mawdi'u al-rabi'u. قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيهه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشاق العظيمة والعداوة البالغة، لكن لأنه لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما، مع أنه يعتذر عن ذلك أن فيه مسبة أبيه عبد المطلب وآل هاشم وغيرهما من مشايخه، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب المسلمين ظن أكثر الناس أنه من المسلمين، مع أنه لم ينصر الإسلام بيده ولا ماله ولا له من الأعذار مال أبي طالب. فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلالة وعرف سوء الأفهام والله المستعان. Donc, ce quatrième événement, ce quatrième passage de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'histoire de Abu Talib. Il faut bien la comprendre et bien la méditer. Et bien méditer sur les points suivants. Ce dernier reconnaissait l'unicité. Il appela les hommes à y adhérer. Il considérait que les païens étaient simples d'esprit. Il aimait celui qui embrassait la foi et qui abandonnait le polythéisme. En plus, il sacrifia sa vie ainsi que ses biens, ses enfants et sa famille pour défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Donc on voit que Abu Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a élevé après la mort de son grand-père, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est né orphelin, son père est mort avant sa naissance. Et c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a élevé. Puis quand il était sur son lit de mort, il a demandé à son fils, au frère de Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son fils Abu Talib, d'élever Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le père de Ali remplit parfaitement son devoir. Il prit soin de son éducation et l'éleva dans le giron familial. Lorsqu'Allah fit de lui un messager pour l'humanité, l'oncle resta à ses côtés et le défendit avec acharnement. Il connut même des ennuis avec son peuple à cause de son neveu. Il courait ainsi un danger à vouloir le défendre et dut endurer la faim quand, plusieurs années durant, les polythéistes imposèrent aux musulmans un blocus dans les ravins de la Mecque où ils les tinrent prisonniers. Ils leur coupèrent les vivres et toute communication avec l'extérieur. Son oncle se trouvait avec eux et endura les pires difficultés. Il faisait même les éloges de l'islam en disant « J'ai su que la religion de Mohammed était sur terre l'une des meilleures religions. Si ce n'était la crainte des offenses et des blâmes, tu m'aurais vu l'accepter sans hésitation. » Il composa son fameux poème « L'Amiyya » qu'Ibn Kathir reprit dans « Al-Bidaya » wa-Nihaya » et dans lequel il reconnaissait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah, et qu'il disait la vérité au sujet du message divin, et qu'il était chargé de le transmettre. La seule raison qui l'empêcha de le suivre, c'était la crainte d'offenser la religion de ses aïeux, la religion idolâtre de ses ancêtres. Il fut animé par le fanatisme religieux qui était une caractéristique des païens. Il ne voulait pas que les doyens subissent des offenses. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le visita sur son lit de mort, il trouva auprès de lui Abu Jahl, accompagné d'un homme des Banu Makhzoum. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Abu Talib en ces termes. « Mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle j'intercéderai pour toi auprès d'Allah. » Abu Jahl et son ami s'exclamèrent aussitôt « Veux-tu délaisser la religion d'Abdul Muttalib ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réitéra sa demande, mais il reçut le même assaut. Malheureusement, les dernières paroles que prononça Abu Talib, c'est qu'il restait fidèle à la religion de son père. Il mourut donc en gardant ses convictions. Son neveu déclara alors « Je demanderai le pardon d'Allah pour toi tant qu'on ne me l'interdira pas. » comme c'est rapporté dans le Bukhari Muslim. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala révéla ces paroles. Ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants de demander pardon pour les polythéistes, fussent-ils leurs proches après avoir eu la conviction qu'ils compteront parmi les hôtes des abîmes de l'enfer. Sourate At-Tawba. Il déclara également sur le compte d'Abu Talib au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a dit, « Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. » Certes, tu ne guides pas qui tu veux sur le droit chemin. Mais Allah guide qui il veut, et c'est lui qui connaît mieux, qui mérite d'être guidé. La morale, c'est qu'il ne sert à rien de faire les éloges de l'islam et de son prophète, de croire que c'est la religion de vérité, que le prophète dit la vérité, sans que cela ne se traduise dans les actes. Il incombe donc de se conformer aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si cela avait été utile à quelqu'un, il l'aurait été à Abu Talib. Reconnaître que l'islam est la vérité et que le messager dit la vérité tout en défendant sa religion n'a aucune valeur si on ne se conforme pas à ses enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme à ce sujet « Allah peut défendre sa religion par le biais d'un pervers » comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Comme ici, Allah a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam par le biais d'un mécréant qui est son oncle Abu Talib, qui le protégeait, qui le défendait. Il est donc indispensable de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a beau faire ce que l'on veut, cette condition est indispensable. Sa propre famille y est soumise. Son oncle lui-même n'a pas profité de son lien de parenté avec lui, car il n'a pas réussi à le sortir de l'enfer. Bien que ce ne soit pas les tentatives qui aient manqué, Allah lui a même interdit d'invoquer le pardon pour lui à travers les versets « Innaka la tahdi man ahbab ». Certes, tu ne guides pas qui tu veux sur le droit chemin. Et à travers sa parole dans le sens, il n'appartenait pas aux prophètes et aux croyants de demander pardon pour les polythéistes, fussent-ils leurs proches après avoir eu la conviction qu'ils compteront parmi les hôtes des abîmes de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala révéla également قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dans le sens, Allah Ta'ala a dit, mon châtiment je l'inflige à qui je veux, tandis que ma miséricorde s'étend sur toute chose. Je vais la décréter pour mes pieux serviteurs, ceux qui versent la zakat et qui donnent foi à nos versets, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné dans leurs écrits, la Torah et l'Évangile. Celui-là même qui leur ordonne le bien et qui leur interdit le mal. Il leur autorise les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Il les soulage des liens et des carcans qui les enchaînaient. Ceux qui croient en lui, qui le soutiennent, le défendent et qui suivent la lumière. Donc le verset ne se contente pas de dire qu'ils le soutiennent et le défendent. Mais il précise et qui suivent la lumière qui fut descendue avec lui, ceux-là seront les vainqueurs. Sourate Al-A'raf, versets 156 et 157. Ces passages démontrent qu'il ne suffit pas de faire les éloges de la religion musulmane et de ses adeptes, de dire qu'elle est sur la vérité et que celle des mécréants est fausse, que le polythéisme est une pratique erronée. L'important, c'est de se conformer aux enseignements de l'islam. Il ne sert à rien de dire du bien de l'islam et de vouer en même temps le culte aux idoles, aux tombes et aux mausolées. Si cela avait dû servir à quelqu'un, il l'aurait été à Abu Talib, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc bien faire attention à ce point qui est très délicat. Puis le cheikh a dit, dans la parole qu'on a lue tout à l'heure en arabe, dans son texte, en parlant d'Abu Talib. En outre, il endura les pires difficultés et les pires nuisances au service de son neveu. Cependant, comme il n'adhéra jamais à sa religion et ne se désolidarisa jamais de la sienne, il ne devint jamais musulman. Il avança pourtant l'excuse qu'il ne voulait pas offenser ses pères, Abdul Muttalib, Hashim, et d'autres doyens parmi les Quraysh. Donc on voit ici, dans cette partie du texte, que la barrière qui l'empêcha d'adhérer à l'islam, c'est la fierté païenne et l'esprit partisan, le fanatisme. Il est donc mort en mécréant. Il avait pourtant le mérite extraordinaire de défendre son neveu et la religion de vérité à maintes reprises, mais cela ne lui servit à rien, si ce n'est que le châtiment de l'enfer lui sera diminué. Il se tiendra sur une plaque de feu en raison de l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera en sa faveur. Une version précise, il sera posé sous la plante de ses pieds de braises de feu qui lui feront bouillir le cerveau. Il souffrira tellement qu'il pensera qu'il ne pourra y avoir plus grand châtiment en enfer que celui qui lui sera infligé, alors que c'est lui qui aura le moins pire des châtiments. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Nu'man ibn Bashir. Malgré cela, il ne sortira jamais de l'enfer. Et cette intercession ne s'oppose nullement au verset qui parle des infidèles. Aucune intercession ne leur sera utile. Car dans le cas d'Abu Talib, il s'agit uniquement d'atténuer le châtiment de l'enfer, et non pas qu'il en sorte. Et ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et spécifique pour Abu Talib. Puis, le cheikh a dit dans le texte, en outre, malgré le lien de parenté qui le liait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et bien que ce dernier invoquait le pardon d'Allah pour lui, Allah révéla, il n'appartenait pas au prophète et aux croyants de demander pardon pour les païens, fussent-ils leurs proches après avoir eu la conviction qu'ils compteront parmi les hôtes des abîmes de l'enfer. Donc on voit que ce verset interdit clairement de demander le pardon pour les mécréants après leur mort. Et d'ailleurs, même de leur vivant, on demande la guidée d'Allah pour eux, on demande qu'Allah leur arrange leurs affaires, c'est-à-dire en les guidant à l'islam, mais on ne demande pas la miséricorde et le pardon pour eux, sauf si c'est dans l'intention qu'Allah les guide à l'islam. C'est-à-dire qu'Allah les guide à l'islam pour qu'Allah les pardonne et leur fasse miséricorde. Mais une fois qu'ils sont morts, c'est fini. On ne peut plus invoquer Allah pour eux. Parmi les enseignements que l'on peut tirer aussi de ce récit, est qu'il ne suffit pas de défendre et de reconnaître que l'islam est la vraie religion, comme il ne suffit pas de condamner le polythéisme et ses adeptes sans suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces positions sont sans importance sans se soumettre à ce paramètre. Par rapport à cela, il n'y a aucun intérêt à ce que ces gens qui accomplissent la salat, le jeûne, qui témoignent qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et qui peuvent en même temps faire le djihad contre les kuffars, mais ils ne délaissent pas le polythéisme qui a lieu autour des mausolées ou des tombes. Ils implorent le secours de ses occupants et ils leur consacrent des offrandes. Leurs bonnes actions ne leur sont d'aucune utilité. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à ce sujet: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nous avons révélé à toi, ô Muhammad, et à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire parmi les prophètes, si tu venais à associer quoi que ce soit à Allah, ton œuvre serait annulée et tu compterais parmi les perdants. Tant qu'on ne se désolidarise pas des païens et qu'on ne coupe pas les liens religieux qui nous lient à eux, les actes n'ont aucune valeur. Puis le cheikh a dit, pour finir ce passage, ainsi, si un habitant de Bassora ou de l'Ahsa est connu pour aimer la religion et les musulmans, mais qu'il ne défend pas la religion de sa main et avec ses biens, qu'il n'a pas autant d'excuses qu'Abu Talib. Celui qui a compris l'histoire d'Abu Talib et a compris la réalité de la plupart qui prétendent être sur la religion, il lui devient facile de distinguer entre la bonne voie et l'égarement. Qu'Allah nous vienne en aide. Donc le cheikh fait allusion ici à ce qui se passait à son époque, des gens qui donnaient des associés à Allah tabaraka wa ta'ala, et même certains savants de son époque qui connaissaient la vérité, qui connaissaient le tawhid et qui savaient pertinemment que le polythéisme n'est autre que le faux, mais malgré cela, ils n'ont pas fait leur devoir de propager la religion, de prescrire l'unicité, de proscrire le polythéisme et de condamner ses adeptes. Ainsi, ils étaient comme Abu Talib, car ils n'ont rien fait de bien pour la religion. Abu Talib, malgré qu'il était mécréant, il a défendu, mais il n'a pas pratiqué. Et eux, ils n'ont ni pratiqué ni défendu. Mais il y a une ressemblance à Abu Talib du fait qu'ils ne se sont pas désavoués des polythéistes. Et ils sont restés vivre au milieu d'eux. C'est dans ce sens-là que le cheikh a apporté ce passage. Ils n'ont pas prêché sur le sentier d'Allah à délaisser les idoles. Et ils n'ont pas exposé sa religion aux gens. Ils ont plutôt caché le savoir qu'ils détenaient. Ils n'ont pas parlé du polythéisme, du shirk. Et ils ont vécu normalement au milieu des païens sans ne jamais leur exposer que ce qu'ils font annule leur islam. والله تعالى أعلى وأعلم وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.